Commencer par continuer. Premièrement, tu es revenu souvent lors de la première partie sur l'idée même que telle personne pouvait souffrir, puis que mon point de vue est un point de vue cosmique ou supramental, puis que si on était dénué d'émotions, effectivement, on pourrait parvenir à mieux vivre certaines conditions. Le problème, justement, c'est que l'être humain est émotif. Et l'être humain émotif est un être humain qui est totalement manipulable. L'être humain qui est émotif ne peut pas être heureux, parce que le bonheur, ce n'est pas une émotion. L'être humain qui est émotif, c'est un être humain qui ne peut qu'être souffrant. Parce que la souffrance, elle, est le résultat d'un paquet d'émotions. Un être humain émotif qui m'entend dire que l'émotion est un problème, vit bien de l'émotion. Prouvant que j'ai raison, il pourra se choquer, il pourra transpirer, il pourra voir son cœur s'accélérer. Et ça prouve quoi? Ça prouve que justement, il est manipulable parce qu'il est émotif et il souffre en plus de son émotivité. Et on va dire, oui, mais si l'être humain ne s'aime pas, je fais une conférence quand je vais revenir qui est « L'amour n'existe pas ». L'amour que l'être humain conçoit est une farce. Il existe un amour intelligent. Ça ne sert à rien de vouloir intellectuellement dire, ah oui, mais moi, c'est ça que je vis. Non. Il y a énormément de pièges. Si l'amour existe tel que l'humain le conçoit, après des milliers d'années, on est encore en train de se battre à l'étape où est-ce qu'on peut s'autodétruire planétairement complètement. Alors l'amour que l'humain a connu est un amour qui est tout à fait débile. C'est comme de dire que l'alcool permet d'atteindre les cieux. Mais après 20 000 ans d'alcoolisme, on devrait commencer par se réveiller. On rentre dans les vitrines, on souffre continuellement. On arrive à aimer finalement, à haïr. Etc. Parce que les Russes s'aiment tellement, ils peuvent finir par détruire les Américains, qui eux, s'aimant tellement, peuvent se défendre contre les Russes, etc., etc. Quand je dis que le karma est une question de décision, l'être humain décide du karma qu'il aura à supporter. Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'un accident d'automobile devient intelligent. C'est toujours stupide, un accident d'automobile. C'est toujours stupide, une maladie. Ce n'est pas intelligent. N'empêche que ce sont des conséquences. Et l'être humain qui, par exemple, vient pour la première fois ce soir et qui m'entend dire que l'être humain n'a pas de libre arbitre, va être frustré. Parce qu'il n'a pas le choix d'être frustré. Il n'a pas de libre arbitre. Il ne peut pas décider. Bon, ben là, je suis frustré. Et maintenant, je ne le suis plus. Non, ça ne la regarde pas. Ça ne regarde pas sa conscience. Ce n'est pas lui qui va décider s'il se met en colère ou pas. Il se découvre en colère et là, il se charrie en colère. Et si on lui dit, bon, alors tu veux avoir un libre arbitre, calme-toi instantanément. Le cœur est calmé, tout est calmé, tout n'est pas fait. L'humain ne peut pas. Et en plus, s'il aurait un libre arbitre, il serait millionnaire. Oh, il peut être assez menteur intellectuellement pour se dire, non, l'argent ne fait pas le bonheur, moi, j'en veux pas de l'argent. Je n'aurais voulu, je n'aurais eu. C'est comme le fumeur qui fume en disant, non, moi, je fume, je peux arrêter n'importe quand. Je fume parce que j'aime ça. Oui. C'est comme ceux qui font la guerre. Ils font ça parce qu'ils aiment ça. C'est comme ceux qui engraissent, qui mangent tout le temps. Oh, s'ils voudraient. Oui. L'homme, c'est pas quand il veut qu'il peut. C'est quand il peut qu'il veut. C'est bien différent. Alors, quand il peut arrêter de fumer, bien là, il se décide qu'il arrête de fumer. Puis là, il a l'orgueil de penser que c'est lui qui a le contrôle. Quand je dis que le karma est une décision et qu'on peut arriver à transgresser certaines lois du karma, ces lois-là, ce sont des lois psychologiques. Ce ne sont pas des lois mécaniques du point de vue de la matière. Quand il pleut, vous serez mouillé. À travers celui qui est mouillé, il y en a un qui paie un karma noir. Maudite température. Il y en a un qui paie un karma blanc. Parce que lui, il s'en fout. Les deux sont mouillés. Et on ne changera pas ça, les deux seront mouillés. Le problème, c'est que l'être humain vit dans le pire des mondes. Et on a beau spirituellement ou émotivement vouloir l'enjoliver avec des mensonges, des illusions, ne changera rien. Voir le monde plus beau ne le rend pas plus beau. Il permet aux plus puissants de continuer à le massacrer. Ce n'est pas de voir le monde plus beau. C'est de le voir comme il est. Et quand on l'aura vu comme il est, si on veut le faire plus beau, pas le voir, le faire plus beau, on pourra travailler. Et ce n'est pas question de positivisme qui est une maladie. Comme le négativisme, voir le monde négativement, voir le monde positivement. Ce n'est pas voir le monde comme le monde est. Le karma, c'est une question de décision. La problématique, c'est que l'être humain étant manipulé, il a des fortes chances de ne pas être capable de prendre de décision. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu que c'est lui qui décide, que c'est lui qui décide toute sa vie. L'être humain a une forme de liberté dans sa conscience. Même s'il n'en a pas dans la matière, il en a une dans la conscience. Et le karma prend naissance dans la conscience de l'homme, de la femme, de l'enfant. Le karma ne prend pas naissance dans une main qui manque à un bras. Le karma ne prend pas naissance dans une maison qui passe au feu. Le karma ne prend pas naissance là. Ça, c'est une mécanique. Vous êtes dans une société, vous bénéficiez des bonnes choses, vous aurez aussi de temps en temps des prix à payer pour être dedans. Par contre, l'individu qui souffre en plus de voir sa maison brûler, lui, est un être karmique. Tout à l'heure, on parlait d'un exemple que je n'aime pas tellement donner. On parlait des femmes qui peuvent se faire violer. La femme qui passe par là, ce n'est pas joyeux. Du point de vue de l'écologie, c'est con. Mais en plus, il faut qu'elle rajoute un karma, une souffrance psychologique. Et c'est contre ça que moi, je me lève. C'est évident que le bonhomme qui accomplit un karma social en, par exemple, tuant une personne dans un dépanneur, il dilue, il soulage la société. Pas du dépanneur, d'un karma. Ce bonhomme-là, il est possédé. Étant possédé, on doit mettre ce qui est possédé en prison. Ce qui est possédé habite le même corps que sa conscience. Conscience qui a été omnibulée pendant le vol ou le meurtre. Alors, je n'aurai pas le choix, moi non plus, je mettrai tout, le corps en prison pour que ce qu'il possède soit en prison avec. La famille éplorée, ce n'est pas convenable d'être éploré parce qu'une personne est morte dans la famille. Combien de fois sur cette planète des gens sont morts? Combien de fois les vivants ont pleuré pour mourir à leur tour, les rejoindre, laissant des pleureurs en arrière? Ça ne change pas la structure du monde de pleurer. Et si on aime un individu, on le respecte, on ne le pleure pas. Mais parce que l'être humain est émotif, parce que l'être humain est émotivement constitué du point de vue de son âme, et dans l'émotion, il y a une polarité. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a la joie, il y a le malheur. Étant donné que l'être humain est émotif, il est polarisé. Cela veut dire que son émotivité se nourrira de l'émotion. Son émotivité, grande constitutrice de l'âme, aura besoin de nourriture qui est l'émotion. C'est pourquoi l'être humain la recherche tant. Sinon, il s'ennuie, il meurt d'ennui même. Mais l'émotion est polarisée. Alors l'humain recherchera l'émotion. L'humain recherchera le bonheur et recherchera le malheur. L'humain recherchera le bien et il recherchera le mal. On va juste voir un film comme L'Exorciste. On recherche quoi? Le mal. On va voir un film comme Les Dents de la Mort. On recherche quoi? La mort. On en a besoin. On va dans un parc d'attractions comme à la Ronde. Qu'est-ce qu'on recherche? Le risque de se faire tuer dans un cadre apparemment sécuritaire. Et par la suite, quand notre partie de l'âme qui est polarisée de ce côté est nourrie, maintenant on va s'asseoir un peu pour jaser, on va se sentir mieux. Dans un couple, on va même jusqu'à dire, oui, mais les chicanes de couple, c'est normal. Pourquoi on ne peut pas imaginer un couple sur la planète Terre qui ne chicane pas? Il y a même des cadres qui disent, ils ne chicanent pas, ça ne va pas. Ils ne sont pas honnêtes. Inconsciemment, l'humain a besoin de mal et de bien. L'humain a besoin de souffrance pour pouvoir mieux apprécier son bonheur. Sinon, il ne le voit pas, son bonheur. Alors, si on élimine le facteur de l'émotivité dans l'activité, dans l'expérience de l'homme, on élimine presque à 100% le facteur karmique du point de vue de la souffrance de l'homme, la décision dans la conscience. L'homme n'a pas le choix, il ne gagnera pas la loterie parce qu'il élimine le facteur karmique psychologique. Par contre, l'homme ne souffrira plus de ne pas gagner la loterie. L'homme n'éliminera pas son incendie de maison, mais il ne souffrira plus de voir la maison brûler. Tous ceux qui souffrent doivent recommencer. Ne pas souffrir, on recommence quand même. On sauve du temps, on sauve de l'énergie. De toute façon, un jour, vous aurez plus ou moins oublié l'émotion attachée à l'événement. Et vous pourrez dire, maintenant on en rit, mais à l'époque, c'était pas si drôle. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous capables de nous payer le luxe d'en rire maintenant, alors qu'on se payait la traite d'embroyer avant? Alors, je ne dis pas que ce qui arrive à l'homme, c'est rien, que c'est une pinotte. L'être humain est manipulé, c'est pourquoi de temps en temps je parle violemment, disons, énergétiquement violemment, plus puissamment, parce que je suis totalement, mentalement, en maudit contre ce qui arrive à l'humanité, à l'homme, à la femme, à l'enfant. On est sur une planète extrêmement puissante, même si elle est habitée par des consciences qui se croient médiocres et qui jouent des jeux. Et quand je regarde l'humanité de la façon dont elle fonctionne, où elle continue à vénérer des mensonges cosmiques, et où elle essaie de s'en sortir à tout bout de champ, ben, à un moment donné, elle ne veut pas, ça crie. Alors, quand une personne me dit, « Moi, je souffre, peux-tu m'aider? » La seule réponse véritable, c'est « Souffre plus. » Et maintenant, je peux me putainer pour faire semblant de l'aider. Lui dire que je la comprends. Que ça peut y foutre que je la comprenne. Mais là, je la comprends. Ça l'aide à se supporter. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Je dis qu'on traîne des souffrances depuis des milliers d'années d'évolution parce qu'on continue à être dans le même carcan. La formule humanitaire que l'Antiquité a développée pour engendrer des sociétés n'est pas bonne. Et nous la vénérons en tradition. Nous la conservons. Alors, il devient toujours normal de souffrir pour autrui. Quand les gens me parlent du Nazaréen, qu'eux appellent le Christ ou Jésus-Christ ou Jésus, qui a souffert pour l'homme, c'est les humains qui l'ont vu passer qui ont souffert, pas lui. Un Dieu ne souffre pas. Peut-être qu'il a simulé, même pas. Les gens n'ont pas besoin de simuler. Il y avait juste à s'en aller. L'humain souffrait qu'à le voir passer. Tous ceux qui aiment quelqu'un vont souffrir s'ils le voient malade. J'ai travaillé à Sainte-Justine, je voyais des parents autour des enfants leucémiques. L'enfant ne souffrait pas. Physiquement, il souffrait un peu. Pas psychologiquement. Il avait le goût de jouer, il avait le goût de parler. Il avait le goût de regarder dehors. Les parents souffraient. Alors les parents vont dire, pauvre petit, il a donc souffert. Pauvres parents, ils ont souffert pour lui. Et ce n'est pas des jeux de mots, ce n'est pas des farces. L'humanité mérite beaucoup mieux. Vous méritez beaucoup mieux. Pas du point de vue émotif. Vous n'êtes pas de la terre, vous méritez mieux. Encore passer du temps à travailler pour amasser des aliments, pour s'occuper parce qu'on s'ennuie. On mérite mieux. Sauf qu'il y a des structures dans la psychologie de l'homme qui doivent être débâties. Des espèces de bâtons qu'on a placés entre l'ascenseur et le plafond. Ça nous empêche de monter. Et ces bâtons-là, on est convaincu qu'ils soutiennent l'ascenseur. Ils empêchent de monter. Ils ne la soutiennent pas. L'illusion du karma en fait partie. L'individu qui vit physiquement un événement stupide. L'individu n'est pas stupide. Je parle d'une maison qui passe au feu. C'est stupide qu'une maison passe au feu. Il y a un homme qui a une femme, un enfant qui vit dedans. La maison passe au feu. À Saint-Basile, ce qui est arrivé, c'est stupide. On le savait, on le sait, on sait tout. Bof, l'espoir, bof, ça n'arrivera pas, bof, bof, on verra. Ça, c'est le karma. On diffère. Mais qu'est-ce qui est arrivé là-bas? C'est stupide. Pas les individus qui l'ont vécu. Mais l'individu qui le vit et qui, en plus, décide de souffrir pour le vivre. C'est contre ça que je me choque. C'est ça, le karma. Il y en a un qui ne peut pas réintégrer sa maison parce qu'il y a des BPC et un paquet d'autres choses qui traînent un peu partout. Et puis, il reste serein. Un autre va dire, « Oui, mais c'est pas facile qu'il nous arrive. Tu seras à ma place. » Premièrement, je ne suis pas à ta place, donc je suis mieux placé que toi pour t'en parler. Parce que je ne suis pas abruti par l'émotion. Alors, tout ce que je peux te dire, c'est que de toute façon, respire par le nez, mange ton hot dog. Ça ne change rien à l'événement, mais ça change tout à la conscience de l'homme. L'énergie qu'il a besoin pour se faire, il cesse de la brûler en souffrance. Et c'est juste contre ça que je me choque. C'est que l'humain, on lui tape dans la gueule, c'est déjà débile. Puis en plus, il se met à broyer. Puis là, il souffre dans sa conscience. Il souffre dans sa psychologie. Que l'autre ne l'aime pas. Que l'autre lui a donné une claque. Que l'autre ne l'accepte pas. Que l'autre ne le comprenne pas. Non. Vous avez déjà assez à supporter une claque sans en plus supporter une illusion, un paquet d'affaires qui proviennent des mondes de la mort, des ciels, des théologies, des autres. C'est juste ça. Et c'est évident qu'on ne change pas la psychologie de l'homme du jour au lendemain. Mais de temps en temps, on me dit, fais des conférences un peu plus douces. Mais oui, de façon à ce que les gens sortent heureux, sortent bien, qu'ils aient perdu leur soirée, mais qu'ils sortent sans s'en rendre compte, tu sais, que ça se fait. Non, quand on se déplace pour venir m'entendre, c'est parce qu'il y a des choses qu'on veut changer. Je ne suis pas tout, mais j'ai une grande gueule. Elle doit servir. Quand on se déplace pour venir ici, quand on paie 10$ pour rentrer, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on veut changer. Quand on va voir un film, c'est parce qu'on veut se distraire. Il y a une raison. Alors, on met un film qui distrait. quand on vient assister à une conférence, les miens entre autres, c'est pas pour se distraire. On peut s'amuser pareil, parce que l'évolution, c'est très amusant, très plaisant, quand on se désassujettit de certains phénomènes. L'être humain ne devient pas un robot parce qu'il n'a pas d'émotion, il garde les sentiments. Mais un sentiment ne fait pas souffrir. Un sentiment fait vibrer. On peut avoir un sentiment de dégoût, mais on n'en souffre pas. Ça peut nous motiver à vouloir changer des choses, mais on ne souffrira pas. Que l'on réussisse à changer ou non, on n'en souffre pas. Ça nous permet de voir drôlement plus clair. De voir une personne qui est malade, j'ai un sentiment de dégoût. Pas contre la personne, contre la maladie. Contre l'état dans lequel est placé l'humain. Alors, je suis pour la médecine, quelle que soit la médecine. Mais je suis contre la maladie. Mais si un humain est malade, parce que dans sa tête, il entretient la maladie, c'est pas une pilule que je vais lui donner, c'est un coup de pied au cul. Et là, l'humain va dire, oui, mais c'est pas un bon médecin, as-tu vu? Ça dépend. Je ne suis pas là pour entretenir le patient. Quand les gens se déplacent pour venir à une de mes conférences, c'est qu'il y a des choses. Alors, moi, je dis les choses comme les choses sont. Ça peut frapper. Ça brise des formes. On part frustré, peut-être. Mais dans 5-6 mois, peut-être qu'on va tout avoir oublié, ou bien, ça va peut-être changer des choses. Chose certaine, c'est que l'humain mange une claque, puis en plus, il souffre d'avoir mangé une claque. Pas physiquement! La douleur physique, c'est la plus facile à annihiler. La douleur psychologique, elle peut hanter un humain pendant des années, pendant toute sa vie. Regardez l'annonce qu'on fait. On montre un loup. Le loup tue. Ça ne le dérange pas. Et vous aussi, vous pouvez tuer. Si vous prenez de l'alcool et vous êtes au volant d'un automobile. Mais vous, la honte, vous hantera le restant de vos jours. Mais c'est ça, le karma. À un moment donné, dans ta vie, tu prends un verre de trop. Peut-être que tu en as bu avant, peut-être même pas. À un moment donné, dans ta vie, tu t'en vas en automobile, tu ne dois pas et tu le sais quand tu n'as pas bu. Donc, c'est pas toi, là. C'est pas de ta faute. T'es manipulé, t'es ivre. Tu montes sur le trottoir, tu tues quelqu'un. Puis on t'instruit de le regretter toute ta vie. Alors que toute ta vie, tu peux peut-être changer après l'accident. C'est con, l'accident! C'est con de tuer quelqu'un! C'est con de se faire tuer. Mais est-ce que c'est une raison pour rendre con le reste de la vie dans la conscience d'un humain? Non. Et l'humain va maintenant développer cela. On va dire, ben oui, mais il y avait un qui a fait attention. Toutes les conneries que l'humain a faites, toutes les, ce que vous appelez les erreurs que vous avez faites, vous ne les avez pas faites consciemment. Vous pensiez bien faire. Puis quand c'est une erreur faite omnibulée sous l'effet de la drogue, de la colère, c'est une drogue. Une drogue endocrinienne, mais c'est une drogue. Ou l'effet de la boisson. C'est pas vous qui étiez là. C'est votre corps physique qui s'en vient, qui fait ceci, qui fait cela. Mais c'est pas vous. Une fois que vous êtes revenu dans votre état normal, vous n'en revenez pas. Est-ce que ça vaut la peine maintenant de payer un karma relatif, de vous sentir coupable, de vous sentir honteux, etc.? Que tout le monde vous regarde bizarrement après pour continuer à vous hanter? Et si je pose la question, ce que tu as fait, c'était-tu correct? Tu réponds non. Non! Bon, mais maintenant, sens-toi bien! Tu le sais! Alors pourquoi continuer à mettre la brume de la souffrance au-dessus de ça? C'est le karma de l'humain. Transmuer le karma, c'est que quand c'est acquis, c'est acquis. Laisse faire le passé, c'est vers l'avenir qu'on travaille. Le passé, on ne peut pas le changer. Alors, organisons-nous pour structurer un avenir. La personne va recommencer à se saouler, va recommencer, qu'elle soit honteuse ou pas, combien boivent pour oublier qu'ils boivent. Ça ne change rien à l'humain. Alors, c'est contre ça que je me choque, c'est ça que j'attaque. Pas l'action elle-même. L'action, elle est dégueulasse. Sauf qu'en plus que l'humain souffre par-dessus, puis que l'humain s'entraide à se détruire la conscience. Non. Oui. À quoi servent les vies successives si les lois du karma ne servent pas pour montrer à s'améliorer? Lorsqu'un individu vit, il apprend du point de vue expérientiel au niveau de son âme. Le corps physique, tout au long de sa vie, change. Il mute. Pas beaucoup. Mais il mute. On appelle cela une cellularisation. Étant donné qu'il mute, il engendre des enfants et il transmet une partie de sa cellularisation à ses enfants. Parce que les humains ont des enfants trop vite, trop jeunes, ils ne transmettent pas énormément de cellularisation. Lorsqu'une personne attend plus tard, elle transmet plus de sa mutation. Cela aide l'enfant. Maintenant, lorsque l'adulte meurt, le corps physique est fini. Mais ce qui a été transmis reste. Et pourquoi pensez-vous que ça prend des millions d'années avant que l'humain puisse arriver à donner l'impression qu'il a changé? C'est parce que l'évolution, de transmise par la génétique, est trop lente. Maintenant, l'humain qui meurt gagne ce qu'on appelle le ciel, l'endroit où vont les morts, le monde de la mort. Dans le monde de la mort, l'humain rejoint tous ceux qu'il a connus et aimés pour l'éternité. Tel est le langage de la religion. Effectivement, les mémoires se fusionnent les unes envers les autres et ce qui était l'humain, ce qui constituait l'humain, n'est plus ce qui était l'humain. Et à un moment donné, un corps physique qui va être créé va attirer des mémoires réincarnationnelles et engendrer une réincarnation dans le corps. C'est le corps physique qui est important. C'est lui qui conserve l'évolution. Ce qui se réincarne ne se rappelle nécessairement pas ce qu'il a été avant parce qu'il a été trop de choses avant. Alors maintenant, il réhabite le corps physique. Et qu'est-ce qui va reformer la psychologie dans le corps? Mais c'est l'éducation. Alors, tout ce que vous avez appris, disons, v'là 2000 ans, vous a été réenseigné v'là 1000 ans. Et quand vous êtes venu au monde dans ce monde-ci, vous avez encore été assujetti à l'éducation, qui, elle, a continué son ascension à travers le temps. Donc, tout ce que nous apprenons dans la mémoire est laissé dans une mémoire qui est appelée l'histoire. Et on s'en fait référence à l'histoire. La problématique, c'est qu'on se sert encore des solutions historiques qui ont prouvé qu'elles étaient inefficaces. Et on a encore les mêmes problèmes que les Romains, que les Égyptiens, que les Atlantiens, etc. Alors, à quoi servent les vies successives? C'est le corps physique. L'homme ne meurt pas dans la réalité des choses. La conscience se sépare du corps à un moment donné. La conscience se dilue dans une conscience céleste. L'esprit, c'est autre chose. L'esprit, ça ne meurt pas, mais l'esprit n'a pas encore la faculté de traverser le corps de l'homme pour s'exprimer. Alors, un homme des cavernes, une femme des cavernes font un enfant des cavernes. Bon. L'enfant, on en fait quelques-uns. Alors, les enfants se rencontrent, ça fait des enfants, et ça fait des familles des cavernes, et ça fait des villages des cavernes. La vie n'a jamais été tuée. Ils ont procréé, ça l'a pullulé. Pas pilulé, aujourd'hui on pilule, avant ça pullulait. Et ça l'a fini par s'épandre à l'échelle de la planète à travers des millions d'années. Et cette même vie-là qui animait le corps d'un homme des cavernes, elle anime quelqu'un ici dans la salle. C'est la même vie. Vos parents vous ont donné la vie, ils ont transmis la vie. S'ils ne l'ont pas donné, ce n'était pas eux autres, ils ont transmis la vie qu'ils avaient reçue de leurs parents, qu'ils l'avaient reçue d'eux, puis on peut s'en aller loin. Ça ne meurt pas. Et le corps physique s'est amélioré. On n'a plus le même corps physique qu'il y a longtemps. On n'a plus le même cerveau. On n'a pas le même système endocrinien. Alors, effectivement, ça sert énormément. Les vies successives. La vie successive, c'est que les mémoires du monde de la mort y intègrent le corps physique de l'homme. L'esprit n'est jamais mort et l'esprit se sert de l'âme pour communiquer avec le corps. Et l'âme, qui est l'échafaud, devient un problème à un moment donné parce qu'elle se prend pour l'esprit. C'est un problème. Tu honoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de tout ton âme et de tout ton esprit. Dans les premiers textes. Le corps, si c'est ce qui est le plus haut, en tout cas, je pense que c'est pas ça. Donc, l'âme est en deuxième, l'esprit en troisième. Et finalement, lentement, les théologies s'enlignent pour sauver son âme. On ne travaille que pour l'âme. L'esprit, lui. L'esprit, on le met même en bas, lui. Tu fais de l'esprit. Alors, l'esprit, ça ne meurt pas. C'est là. Vous mêlez le mot karma avec souffrance. Karma veut dire payer pour. Karma ne veut pas dire payer pour. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est que dans la tradition, on enseigne des lois du karma qui sont des lois négatives. Quand tu réussis, tu ne payes pas pour. Quand tu as un karma blanc, tu ne payes pas pour. Tu collectes, tu ne payes pas. Quand ça va mal, tu payes pour. Mais il faut faire attention à payer pour. J'ai rencontré un jour un jeune qui m'a dit, « Moi, j'en vis pas de karma. » J'ai dit, « Pourquoi? » Et il m'a répondu, « Parce que toutes les karmas, je les transmute en leçons. » Ah ben, il ne paye plus pour. Karma souffrance? Non. La souffrance, le karma de l'homme, c'est la souffrance. Il est implanté dans la mécanique de conscience de la souffrance de l'homme. Le fait que l'on prenne de l'eau et qu'on se le verse sur soi, ben, on a des pantalons mouillés. C'est pas ça, le karma. Ça, c'est le karma du pantalon, pas mon karma, moi. C'est pas ça, le karma. Mais l'humain qui s'identifie à ses culottes, c'est ça, le karma de l'homme. La maison qui brûle, c'est le plan de vie de la maison. Le pied qui s'en va, c'est le plan de vie du corps physique. Mais où on peut réellement vous aller vous chercher? Vous êtes inatteignable. Sauf si vous vous identifiez à ce qu'il est atteignable. Alors, vous vous identifiez à votre crayon que quelqu'un vous a volé alors vous aurez un karma. Vous souffrirez. Parce qu'on s'identifie, on implante la souffrance dans l'homme et l'homme est un être identifié. Il s'identifie. Qui êtes-vous? Êtes-vous un corps physique? Je t'entends de temps en temps des gens parler qui disent, qui donnent des thérapies pour que finalement tu sois un corps. Tu n'es pas grand-chose. Tu es d'un intestin. Tu es un cœur. Tu es des molécules. Tu es des cellules. Puis quand un corps est mort, il est un corps lui aussi. Pourtant, il n'est pas comme toi. Donc, tu n'es pas un corps. C'est réveillons-nous. S'identifier à son corps. Non. En prendre soin, oui. Pas de l'esthétique, mais de la forme. De la santé, de la vie, du corps, oui. C'est un outil, un véhicule. Il y en a qui lavent leur auto et qui mettent de la cire. Change jamais l'huile. Karma, je ne mélange pas les mots. Vous mêlez le mot karma avec souffrance. Karma veut dire payer pour. Qui c'est ici qui ne souffre pas quand il paye pour? Non. Les anciens n'avaient pas tous les mots pour expliquer. Et la tradition ancienne a mélangé bien les choses. Mais le karma de l'homme, c'est exclusivement sa souffrance. À l'instant où l'homme ne souffre plus, il n'y a plus de karma. Je ne vous parle pas du karma de vos culottes ou de votre robe. Je parle du karma de l'être humain. C'est lui qui souffre, pas le corps. Le corps, il souffre un peu, on vient injecter quelque chose, puis ça ne souffre plus. On prend une pelule, puis ça ne souffre plus. La conscience de l'homme, elle est réparable comment? Avec des bonnes paroles, avec des exorcismes, avec des prières, avec demander pardon à Dieu, parce que sinon, tu n'arrives plus à dormir. C'est des mécanicités qui marchent. Tant qu'il y aura un Dieu qui voudra vous pardonner, tant qu'il y aura des bonnes personnes pour vous supporter, mais l'être humain ne devient pas son seul maître s'il est sujeté comme ça. Je parle du karma de l'homme, pas du karma des rideaux. Qu'est-ce que tu veux dire, recevoir l'Esprit Saint, ce n'est qu'à l'adolescence? Ce que je veux dire, c'est que lorsque l'enfant vient au monde, il y a un contact supramental qui vient gérer la première structure corporelle. Lorsque l'enfant naît, l'enfant a une âme absolument pas égoïsée, pas d'identification. L'enfant, ne peut, quand il va commencer à parler, il ne dira pas « j'ai faim ». Il va dire « Daniel a faim ». Par la troisième personne, il n'y a pas d'identification. Alors, à la naissance, l'enfant vient au monde, il est investi d'énergie supramentale, un savoir instantané. Il sait sans avoir à apprendre. Alors, si on le fait téter, il va téter. S'il sent des choses, des signes perturbateurs, il va pleurer. Il est capable de déféquer, ça défecte seul, on va dire, parce que la conscience de l'âme ne le contrôle pas, mais tout est organisé pour que ça fonctionne. Il a un savoir instantané. Alors, il est en contact avec l'Esprit Saint, un esprit pur, ce que l'âme n'est pas. Et au fur et à mesure qu'il va grandir, l'intelligence supramentale, l'Esprit Saint, ne peut pas s'exprimer encore par le corps physique de l'enfant parce que, premièrement, son cerveau n'est pas finalisé dans son développement. La tête devient plus grosse, mais elle va encore grossir. Il y a beaucoup de contacts neuroniques qui ne sont pas finalisés. Il y a des neurones encore en croissance. En plus, le système endocrinien de l'enfant n'est pas tout à fait formé. C'est-à-dire qu'il n'a pas la faculté d'exprimer l'émotion d'une façon hormonale comme l'adulte. Et il n'a pas de centre laryngé terminé. Il n'a pas la parole. Alors, l'enfant va donc continuer sa gestation, mais il le fera à l'extérieur parce que sinon, ça va nuire à la mère. Alors, il va grandir à l'extérieur, le cerveau va continuer à se raffiner, le système endocrinien va continuer à se raffiner. Jusqu'à un moment donné, le système endocrinien est presque totalement constitué. Et ça va paraître comment? Les signes sexuels secondaires vont commencer à apparaître. Alors, pour la fille, ce sera le développement des seins, l'épilosité. Pour le gars, ce sera des choses similaires. Et là, on a un système hormonal qui commence à être prêt à exprimer des choses. Le cerveau est maintenant suffisamment développé, il est maintenant suffisamment volumétrique, et il y a suffisamment de programmations génétiques qui sont terminées que maintenant, l'enfant est prêt à exprimer de l'intelligence. La problématique, c'est que pendant que le corps se prépare, il y a l'expérience émotive de l'âme qui est cumulée. L'enfant vient au monde plus ou moins vide. Alors, on peut maintenant l'instruire, c'est-à-dire qu'on peut l'élever, l'éduquer ou l'instruire. Trois choses différentes. Et l'instruisant ou l'éduquant ou l'élevant, on place dans sa mémoire des choses. On va lui dire, telle chose ne se fait pas. Alors, il va prendre ça comme acquis. Ça ne se fait pas. Ça se fait. Mais il y aura une conscience que ça ne se fait pas, même s'il doit faire. Il va apprendre des choses d'ici. Intelligence, on lui pose une question, bon, ben, veux-tu un joint? L'intelligence va venir pour dire non, parce que, franchement. Et ça va répondre, OK, c'est l'ego qui veut être normal, qui veut être collectif, qui veut toujours être accepté, qui veut vivre émotivement ses chums, qui veut, et voilà. Et c'est pourquoi je dis qu'à l'adolescence, le corps est prêt. L'intelligence supramentale est toujours là, mais le corps n'est pas prêt à l'exprimer. Sauf que rendu à l'adolescence, le corps est prêt. L'ego aussi. Après, qu'est-ce que c'est la connaissance infuse? Est-ce reconnaître ce qui est intelligent et nécessaire et oublier le reste? Reconnaître ce qui est intelligent et nécessaire, c'est effectivement un savoir instantané, phénomène infus. Je répète que l'ego ne peut pas s'emparer d'un savoir instantané parce que la conscience supramentale, l'Esprit Saint, donne à l'homme que ce que l'homme a besoin lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Alors, vous ne pouvez pas savoir quels vont être les numéros gagnants de la loto, parce que l'intelligence considère que vous n'en avez vraiment pas besoin. Ça sécuriserait votre ego d'avoir $1 million en banque. Mais il y en a plusieurs qui ça y serait sécurisé, mais qui manquent quand même de rien. Alors, pourquoi leur en donner plus, vu qu'ils manquent de rien? L'intelligence n'a pas besoin de sécurisation du point de vue égoïque. Après, qu'est-ce que la connaissance infuse? Bon, c'est se reconnaître ce qui est intelligent et oublier le reste. Oublier le reste, ça dépend. Si oublier le reste fait partie aussi de la gestion de conséquentialité que peut exprimer un être humain, oui. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas... Vous savez, il n'y a pas de demi-mesure entre ce qui est intelligent et ce qui ne l'est pas. Mais l'humain étant un diplomate, l'humain essaie de se compter des pipes entre les deux. Par exemple, on parle en mal de quelqu'un. Il y a une personne qui va dire, oui, mais tu sais, il y a quand même du bon chez elle. On ne parle pas du bon, là, on parle du mal qui est dans elle. Il y a du bon chez elle, c'est pas de ça qu'on parle, là. Bon. C'est comme de dire, elle a une carie. Oui, mais il y a quand même des bonnes dents chez elle. On le sait qu'il y a des bonnes dents chez elle. Là, on parle de carie. Alors, l'être humain est souvent confronté à ce genre de choses. Alors, c'est évident que si on est capable de discerner qui est intelligent, et encore là, on va dire, oui, mais comment on peut savoir que? Quand vous ferez des erreurs, vous ferez des erreurs, l'être humain est intelligent. Vous allez le voir que c'était pas correct. Culpabilisez-vous pas, ramassez pas du karma. Puis faites la pub. Vous la refaites encore. Et là, vous le savez doublement que c'est pas correct. Alors, culpabilisez-vous pas. Faites-le plus. Vous le refaites encore. Bien, vous le savez triplement. Culpabilisez-vous pas. Faites-le plus. Puis un jour après 352 fois. Mais vous le ferez plus. Puis on vous aurait tapé dedans, on vous aurait battu, vous auriez arrêté après la 7e fois, mais vous n'auriez jamais compris pourquoi arrêter. Alors, vous auriez été un être humain savant. Comme les chiens savants, qui font des choses sans savoir pourquoi. On peut devenir des animaux. On peut devenir des êtres humains intelligents plutôt que savants. Alors, je préfère qu'une personne recommence plusieurs fois la même connerie, puis on en parle, puis si elle le sait, oui, mais comment ça se fait que j'ai encore fait ça? Être humain est manipulé! Bon, il y a des choses chez toi qui sont en affinité avec des conneries qui ont besoin que tu fasses ça. Mais plus on va en parler, plus ça va s'éliminer, puis un jour, tu le feras plus. Ça ne se fera pas en plus! Et déjà, assez que tu fais une affaire que tu ne veux pas sans en plus rajouter la souffrance, le karma. C'est ça, le karma. Le karma relatif. La mère qui met au monde un enfant infirme et qui s'en veut toute sa vie. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? J'aurais dû manger mieux, j'aurais dû suivre le régime du docteur, machin, j'aurais dû. Hey, t'aurais dû en faire des choses, hein? Puis si t'aurais su qu'il y avait un handicapé, t'aurais-tu fait ça? Ah, oh, ben oui! Et tu le savais pas? Non! Alors qu'est-ce que t'as à ton prof? Ben c'est ça, le karma. Le karma relatif. Qu'est-ce que je paye un karma? Tu supportes un karma, tu payes pas un karma. Quand tu dis on ne coupe pas une fleur sans déranger une étoile, est-ce que tu parles des étoiles dans le ciel? Je parle de n'importe quelle étoile. Je parle nécessairement aussi des étoiles dans le ciel. Si les astres influencent l'homme, ben torieux, on doit les influencer un peu. Est-ce que la pensée crée tout ce que j'ai préparé dans ma tête pour ma défense au cas de viol est arrivé comme tel? On m'a instruit que je me l'ai attiré en y pensant. C'est faux. Si la personne, elle a réussi à se faire violer, je ne dis pas que c'est une réussite positive, mais si la personne, elle a réussi à se faire violer en pensant puis en attirant, si je veux me marier avec elle, pas à cause qu'elle a réussi à attirer le violeur, mais c'est incapable d'attirer des événements en pensant. Moi, t'es millionnaire demain matin. Moi, il dit maintenant, mais pense à gagner à la loterie. crime. Si t'étais capable d'attirer un violeur en pensant, t'es capable d'attirer n'importe quoi. Mais il se trouve que bien souvent, non. Alors donc, c'est que c'est faux. La personne, elle n'a pas attiré quoi que ce soit en y pensant. Non. Elle pourrait penser ça. Elle pourrait traumatiser son système de conscience avec une forme de karma. C'est de ta faute, c'est toi qui as pensé. T'es là, tu tabarnouche, j'ai jamais pensé à ça, tu fais pour l'éviter. Ben c'est ça, justement. Que c'est mon frère maintenant, mon pensée à me faire violer, si ça m'arrive, ça va être ça. Si je pense pas, j'ai rien qu'à y penser. Si je pense l'inverse, ben j'ai rien qu'à y penser. Comment culpabiliser l'humain, c'est facile. Il vous arrive pas des choses parce que vous y pensez. Sinon, il vous arrive juste le mauvais quand vous y pensez, puis vous arrive rarement le bien quand vous y pensez. Pensez-y, ça va aller. Est-ce que la pensée crée tout ce que je préparais dans ma tête? Non, la pensée n'a aucune puissance. Elle n'est même pas capable de faire bouger un verre d'eau à distance. Elle n'est même pas capable de faire bouger votre oreille. Puis elle habite le corps physique. La pensée, ça permet d'assujettir l'homme. La pensée, ça remplace l'intelligence. Quand vous arrivez quelque part, vous avez un choix de chemin à faire. Celui qui pense, bon, lequel que je prends? C'est pas intelligent de penser. Celui qui dit, bon, il m'en va là, puis il se trompe pas. Ça, c'est intelligent. Alors, la pensée, ça n'a aucune puissance. Ça occupe la conscience de l'homme. En attendant que l'intelligence vienne. C'est pour ça que ça ne veut plus s'en aller, c'est le locataire qui a décidé que c'était, qui était propriétaire. La pensée n'a pas de puissance. Elle ne peut que faire souffrir l'homme. Et donc, on peut penser n'importe quoi dans sa tête. Et après ça, c'est arrivé comme tel. On m'a instruit que je l'ai attiré en y pensant. Si vous voulez croire que vous avez attiré un violeur en y pensant, oubliez le violeur, maintenant, attaquez-vous à la loterie. Si ça ne marche pas, oubliez carrément celui qui vous a dit ça. Et si ça marche, oubliez le violeur pareil, puis continuez à vivre une vie de génie. Vous avez une force majeure. Puis vous viendrez me voir. On dit que la personne qui a posé pour la Joconde de Léonard de Vinci était un travesti. Est-ce vrai? Cette peinture a-t-elle des pouvoirs spéciaux? On dit que certaines personnes sont devenues folles à cause d'elle et qu'on a même tiré sur cette toile avec un fusil. Curieux. Bon. Il y a bien des choses comme ça qui paraissent absolument stupides pour bien des gens. Et, bon, Mona Lisa n'était pas un travesti. Par contre, ce n'était pas tout à fait... Enfin, elle avait certains problèmes. En tout cas, elle était dans sa nature quand Léonard de Vinci l'a peint. Cette peinture a-t-elle des pouvoirs spéciaux? Elle a eu des pouvoirs spéciaux. On dit que certaines personnes sont devenues folles à cause d'elle et qu'on a même tiré sur cette toile avec un fusil. Effectivement, ce n'est pas la Mona Lisa comme telle qui est impressionnante. Léonard de Vinci était un petit orieux. Il a peint différentes toiles absolument géniales, en l'occurrence, une des scènes du dernier repas du Nazaréen avec ses apôtres. Et on peut retrouver les apôtres placés trois par trois, trois là, trois là, trois là, ce qui nous donne 12 apôtres. Et on peut retrouver entre les yeux de Jésus, si on place une règle, on va directement aux yeux d'un apôtre qui a joué un rôle très particulier. On peut retrouver l'emplacement de la lumière. Il y a tellement de choses que je pourrais vous expliquer. Et on peut se rendre compte qu'il y a une mystique extrêmement ésotérique ou occulte cachée derrière cette scène. Lorsque Léonard de Vinci faisait des expériences, il en a fait sur le corps humain jusqu'à temps qu'on lui interdise, il en a fait sur un paquet d'appareils, il a inventé la mitraillette, il a inventé le parachute. Il était juste assez intelligent pour ne pas les essayer. Bon, parce que la technologie de l'époque ne peut pas supporter son génie inventif. Et dans la toile de la Mona Lisa, les peintures qu'il a employées, les couleurs et le matériel qu'il a employé dégageaient une onde de forme. Alors, j'ai déjà fait une conférence sur attention aux ondes de forme. Alors, pour les ondes de forme, on pourra s'y référer. Et la peinture a été suffisamment ternie pour ne plus dégager de ce genre d'ondes de forme. Alors, il y a des ondes de forme qui peuvent affecter énormément l'enveloppe de l'âme, que l'on appelle le périsprit, qui est une enveloppe d'énergie vitale. Et les individus qui ont une enveloppe trop mince peuvent être hautement influencés par l'onde de forme dégagée par cette toile. En plus, Léonard de Vinci a été le premier à peindre une personne dont les yeux regardaient le peintre. Et aujourd'hui, tout le monde en fait. Il n'y a rien là. Il suffit simplement de s'arranger pour que les yeux te regardent. C'est pas un jeu extraordinaire, mais c'est le premier qui a placé deux yeux qui regardaient le peintre, ce qui a fait dire pendant longtemps aux personnes qui voyaient la peinture, « Elle me regarde, puis partout où je vais, elle me suit des yeux. » Et prenez une photo ou regardez la télévision, quand l'animateur regarde la télévision, promenez-vous dans le salon, il continue à vous regarder. C'est vous qui le regardez, pas lui. Alors vous regardiez la peinture, et la peinture suivait du regard, et Léonard avait arrangé certaines choses pour créer des impressions, et la toile a eu évidemment son lot d'effets spéciaux, assez qu'Adolf Hitler a tout fait aussi pour se l'approprier, pour un paquet de motifs. Alors aussi bizarre que certaines choses paraissent, qui sont vraies. C'est comme de parler de Toutankhamon. Il y a un paquet de gens qui en sont morts, sauf un, celui qui l'a découvert. Toutes les autres qui étaient avec lui, puis ceux qui l'ont approché de proche, une grande majorité sont morts. Des morts causées par le Lazare, c'est-à-dire des accidents de taux, des ci, des ça, mais presque 100% des gens. Dans les mois qui suivent le contact avec la momie. Alors, j'ai des choses comme ça sur Internet. Il y avait une relation karmique à ce moment-là. Oui, ça va toi. Une cause et effet. L'individu qui est faible dans sa psychologie et qui regarde la peinture qui la suit. Elle se reproche de quoi? Surtout qu'à une époque où tu as tellement de choses à cacher, puis tu sais en plus que Dieu est supposé le savoir, mais tu crois que tu espères que c'est pas vrai. Puis tu vas voir une peinture qui, elle, te regarde dans ta barnouche. C'est un phénomène karmique. Puis l'humain qui en a souffert karmiquement. Mais l'humain aurait pu ne pas en souffrir. La peinture l'aurait regardé quand même. Il y a le karma de la peinture, le karma de l'événement, le karma de la place et le karma de l'homme. Le karma de l'homme, on le supporte inutilement. Il y a des gens qui sont dans la souffrance et qui en vivent. Il y en a qui s'en nourrissent, mais n'empêche que c'est de l'inutilité. C'est la même chose pour Toutankhamon. Même chose pour Toutankhamon. C'est un karma physique. Les individus ont gagné le ciel, le monde de la mort, mais le corps physique est altéré premièrement, il y avait l'air vicié dans le tombeau. Il y avait des ondes de forme qui avaient été laissées par les prêtres. Et il y avait un paquet de choses dans le monde astral qu'on pourrait expliquer, qui sont un peu longs, là. Le Messie des Calcitrans avoue à la fin de sa vie que l'Esprit n'avait pas besoin de lui pour parler, que le travail se fait tout seul. Si toi tu parles, est-ce pour accomplir le travail d'un esprit qui n'a pas besoin de toi? C'est évident. Maintenant, le Messie est le Messie récalcitrant. Remarquez bien qu'il était récalcitrant. Hein? Mais c'est évident. Mais ça m'occupe. Ben, je ne serais pas mieux que l'esprit. Sauf que présentement, ben, si je ne parle pas, il va se passer d'autres choses. Vu que je parle, ben, l'esprit se repose un peu. Mais si j'arrête, ce n'est pas ça qui va frustrer le phénomène supramental, les phénomènes réactionnels ou intentionnels. Je suis un élément comme un élément est un élément, et c'est fini là. C'est tout. Si j'arrête de parler du jour au lendemain, ben, il y en a un autre peut-être qui va parler. Il y en a un qui va écrire. Richard Bach n'avait pas une grande gueule. Il avait une grande plume. Il a commencé par un conte spirituel, Jonathan Livingston, le goéland, et il a écrit d'autres petites affaires comme ça, intéressant de moins bon. Puis à un moment donné, ben, il s'est ramassé avec un phénomène supramental, c'est un mormon, mais ça n'a rien à voir avec sa religion. Et il a commencé à écrire des choses, il s'amusait. Puis finalement, ben, dans son écriture, il y avait la transcription que le monde était illusion. Donc même la religion est une illusion. Et finalement, ben, tu regardes le livre, puis tout dans ce livre peut être faux. Mais ça, c'est pas lui qui lit ça, Richard Bach. C'est pour que le lecteur sache que dans le livre, tout peut être faux. Alors, il se détache du petit karmiquement de tout. Faites ce que vous voulez de mon livre. J'ai dit que tout peut être faux. Donc, maintenant, ce que tu vas croire, tu regardes. Et puis, à la fin, ben, on revient encore. Effectivement, l'intelligence se sert des véhicules qui sont là. Tu viens de dire qu'en disant que tout cela pouvait être illusion, il s'est désassujetté de loi karmique. Qu'est-ce qui serait arrivé s'il avait été assujetti à la loi karmique dans le cas? Bon, en admettant que Richard Bach est un être humain normal, naturel, et donc il a la faculté de culpabilité, faculté aussi de compassion, et sa religion aussi l'assujettit à différents phénomènes de ce genre, cela veut dire que dans le monde de la mort, dans la conscience, chaque individu qui aurait, par exemple, pensé que c'était illusion, puis il lâche son emploi, se disant que finalement il se ramasse sous le bien-être social, il se ramasse dans la rue, puis là, qui commence à dire, « Tabarnouche, je livre là! Bon. » Lui, il émet dans le monde de la mort des formes pensées qui vont immédiatement s'en aller vers Richard Bach. Puis comme Richard Bach est un être humain qui a la faculté de les recevoir et de les digérer pour pouvoir regretter d'avoir écrit ce maudit livre-là qui était peut-être trop puissant, pas ajusté, anachronique, eh bien, en remettant le karma et l'intelligence qui passait par Richard Bach, donc obligé à le remettre, eh bien, tout dans ce livre peut être faux. Alors ça, c'est maintenant placé à travers chaque lecteur qui le livre et c'est placé au niveau du monde de la mort et ça entoure Richard Bach. Tout dans ce livre peut être faux. Donc, ce que vous allez en faire, c'est ce que vous allez en faire. Et nécessairement, l'individu qui veut maudire le livre, Dans le monde de la mort, ça ne touche à rien parce que c'est écrit, tout peut être faux. C'est un roman. Un roman vrai ou un roman faux? Un roman. Alors, ça le désassujettit donc des manipulations au niveau du point de vue de la conscience collective astrale des gens, de ce qui ça pourrait donner. Si la création est finie et que nous sommes la mémoire de notre passage, comment pouvons-nous être cette mémoire si nous avons été fractionnés à d'autres morts et refusionnés lors de nouvelles réincarnations? Où étions-nous lors de cette création? Hey, nous n'existions pas. C'est-à-dire que présentement, c'est une âme qui pose la question. Et l'âme est un phénomène créationnel. L'âme est une créature du temps. Elle apprend des choses. Elle mémorise des choses. Elle expérimente des choses. L'âme n'existait pas dans le contexte où nous la concevons aujourd'hui. Ce qui constitue l'âme existait. Ce qui est constitué en tant qu'âme n'existait pas. C'est un phénomène créé, l'âme. Alors, avant la création, où étions-nous? Vu que c'est une âme qui pose la question, nous n'existions pas. Du point de vue de l'esprit, nous n'étions pas. Mais c'est une chose un peu compliquée à dire dans des mots pour des personnes peut-être qui ne sont pas habituées de m'entendre parler, mais il y a des régions au niveau à l'extérieur même du phénomène créationnel, mais ces régions-là ne sont pas spatio-temporelles. Donc, s'il n'y a pas ni temps ni espace, il n'y a pas de présence matérielle et il n'y a pas de temps d'être. Alors, c'est donc éternel. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. C'est éternel. Et tout ce qui est éternel n'existe pas. C'est là! C'est réel! Mais ça n'existe pas, mais c'est réel. La nuance entre l'un et l'autre, exister nécessite nécessairement un temps et un espace. Nous sommes des âmes qui existons. L'intelligence, l'esprit est réel. Ça n'existe pas. Mais c'est réel. Explique-moi ce que sont exactement la conscience, l'inconscient, le subconscient. La conscience, ça n'a rien à voir avec la conscience qui est reliée à l'inconscient et au subconscient. On va quand même parler de la conscience, celle que la psychologie le conçoit. La conscience, c'est tout ce qui est réfléchi dans votre système neuronique actuellement. Alors, tout ce que vous avez à la conscience fait partie de la conscience. L'inconscient, c'est toute votre conscience qui n'est pas votre conscience. Autrement dit, pissenlit. Ah, c'est dans votre inconscient. Maintenant, c'est votre conscience. Voilà. Alors, vous en avez un paquet d'inconscients. Et puis, il y a le petit parti qui est la conscience. Le subconscient, c'est les deux. Alors, l'ego, l'âme, est exactement comme un œil. L'œil voit, mais ne se voit pas. Alors, nécessairement, tout ce qui... Bon, on va essayer de comprendre. Je vais me lever pour dessiner jusqu'en arrière. Une âme, c'est un... On va faire une sphère. Dans la sphère, il y a donc une espèce d'enveloppe qu'on appelle le périsprit, théologiquement un séraphin. C'est une enveloppe de l'âme qui est visible au niveau de l'Europe et qui vous empêche de tout mêler vos âmes quand vous asseyez. Il y a des manipulations d'un âme à l'autre, mais c'est quand même pas mêlé. Pour ça, il faut aller dans le monde de la mort, pour les mêler. Dans cette sphère, il y a de la mémoire expérientielle. L'enfant n'a pas beaucoup, puis il accumule. La sphère grandit au rythme du corps physique. Et lentement, il y a plein de mémoires. Ici, c'est quoi un chat? Ici, c'est quoi sa mère? Etc. Il reconnaît des choses. Et lentement, dans ces mémoires, il va se créer une agglomération de mémoires similaires, trop répétées, et ça va engendrer un ego. L'ego, c'est l'œil. Cet ego voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des choses qui font partie de la conscience. Lorsque l'ego réfléchit dans le système neuronique, il faut un cerveau pour réfléchir, pour avoir une conscience. Si on vous endort, le cerveau ne fonctionne plus, bien vous ne pourrez pas vous rappeler. Alors, il y a cet ego qui, lui, voyage dans les mémoires volatiles, c'est-à-dire qui voyage dans toute l'expérience de l'âme qui n'a pas été placée dans l'ego. Alors, il se rappelle Satan, il se rappelle des choses. Sauf que tout ce qui constitue l'ego, les vieilles mémoires, des choses qui vont constituer l'ego, ça, l'ego ne peut pas les voir. Et c'est bien souvent l'ego qui est le problème chez l'homme. Et là, on parle d'hyperconscient, de préconscient, de superconscient, d'inconscient, subconscient. Bon, on en a mis des mots pour définir des paramètres. Ce que l'être humain ne peut réellement pas voir à sa conscience, c'est lui-même. Il ne peut pas se connaître. Pas du point de vue de l'âme. Du point de vue de l'intelligence, oui. Alors, cette chose-là ici va essayer de s'exprimer. Alors, elle fait bang, elle entend un bruit, puis là, elle essaie de penser comment elle est bâtie. Et c'est pourquoi on va s'exprimer, se regarder dans un miroir. On va dire, ah bon, je ressemble à ça. Pff, ça ne semble pas à pantoute, c'est ton corps qui ne ressemble pas à toi. Et, ah ben, je ne m'aime pas à faire. Parce que là, on se met des cossins. Mais ça ne change rien au niveau de l'ego. Mais l'ego, il se regarde après et dit, ah là, je me trouve plus belle, plus beau. L'ego, il pense que c'est bon. Okay, bon, il s'exprime. Alors, l'inconscient total, c'est la structure de l'ego. On ne peut pas la connaître. Le conscient auquel on a accès facilement, ce sont les mémoires volatiles. Ça, on peut se promener dedans et y avoir accès. Et puis, si on parle du subconscient, bien là, on peut dire que c'est l'ensemble total, c'est l'âme. Mais encore là, dépendant des terminologies, des ceci ou des cela. Chose certaine, c'est du point de vue réel, du point de vue cosmique, ce qui est totalement imperceptible par votre conscience amique, l'âme, votre conscience astrale, égoïque, psychologique, c'est vous. Vous ne pourrez connaître que votre expression, qui est un petit peu faux, de ce que vous êtes, et vous pourrez connaître tout ce que vous n'êtes pas. Alors, pour arriver à se connaître en reconnaissant ce qu'on n'est pas, on prend quelques milliards d'années, notre affaire, qu'on n'est pas. Quand les mémoires sont fusionnées dans le monde de la mort, où va la conscience évolutive acquise pendant la vie terrestre? Où va l'esprit qui nous habitait? Tout est-il perdu, fusionné, si on n'a pas formé assez de doubles intellects? Bon, le phénomène espritique va dans un plan transitoire qu'on appelle le plan moronciel. Alors, il n'y a absolument rien de perdu là-dedans. Ça fait simplement attendre qu'un corps physique semble être suffisamment constitué pour y attirer des mémoires du monde astral, qu'on appelle réincarnationnel, qui vont pouvoir l'habiter. Et après ça, l'esprit se connecte à n'importe quel corps de toute façon. Parce que l'esprit étant éternel, ben, il n'est pas pressé. Alors, il n'y a absolument rien de perdu en passant. L'humain va dire, est-ce que tout est perdu? Rien n'est perdu. Dans certaines autres vies, moi, je vivais certains genres de phénomènes. Et lorsque je suis mort, j'ai gagné le monde de la mort. Je me suis fusionné un paquet de choses. À quoi? Juste à ce qui me plaisait, c'est-à-dire juste avec quoi je vibrais. Et eux, ils étaient intéressés, ces mémoires-là, à venir avec mes mémoires, parce que c'était parfait. Si on se serait connus sur la planète, on aurait été de vrais grands chums. Alors, je suis plus de problème, le corps physique n'est plus là. On se mariait. Et puis après ça, ben, on est revenu dans un corps physique, qui est intéressant. Puis à la gang ensemble, ben, on s'est fusionné, fait que maintenant on est devenu un individu. Ça, c'est normalement vers l'adolescence. Et puis après ça, ben voilà, il n'y a absolument rien qui est perdu. Les choses sont simplement conservées et pas placées comme la conscience de l'homme nécessairement le veut toujours. C'est tout, mais il n'y a absolument rien de perdu. Quand vous avez un enfant, ceux qui ont eu des enfants ou ceux qui vont en avoir, à l'instant où vous mettez un enfant au monde, vous vous êtes réincarné de votre vivant chez lui. Pas juste votre nez ou vos yeux, mais une grande partie de vous. Et le reste se réincarnera dans ses enfants. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, ça ne change rien. Masse d'humanité qui engendre des corps qui, à un moment donné, vont vous vibrer. Il n'y a aucun problème. Adopter un enfant en passant, ça nous permet de se réincarner dedans aussi. Que vaut la lumière solaire dans le chemin de l'évolution? Est-ce la même lumière que le Créateur dans la Genèse? Quand il dit que la lumière soit et la lumière fut. Non. Quand on parle de lumière, on parle de quand on parle de lumière du point de vue spirituel, on ne parle pas de la lumière du soleil. Bien souvent, on va faire une relation entre l'énergie solaire, l'initiation solaire ou ces choses-là. Initiation par le feu. Mais on parle d'une énergie qui est drôlement plus efficace, drôlement plus vibrante que le phénomène solaire. L'énergie qui fait partie de la lumière des traditions, l'énergie qu'on veut essayer d'exprimer, est une énergie qui circule beaucoup plus rapidement que 300 000 km à la seconde, ce qui est la limite de la circulation de la lumière solaire. Ça fait 299 792,5. Alors, ce n'est pas du tout la même lumière. Non, ceux qui adoraient le dieu Ra, le dieu soleil, ils le vénéraient comme crucifix, l'astre. Et ce qu'ils adoraient, c'était pas ça. Mais comme dans n'importe quelle religion idolâtre, on finit par oublier la chose, puis on finit par adorer l'objet. Bon, ben, on finit par adorer le soleil. C'est tout aveugle. D'adorer le soleil, on est aveugle. Les lunettes solaires, c'était pas. Ai-je bien compris? Un individu prend les désirs sexuels des autres hommes de sa collectivité ou bien il est poussé par tout ceci. Pourquoi lui? À agir ou à violer à leur place. Qu'est-ce qui caractérise cet individu pour qu'il soit poussé ainsi? Bon, premièrement, l'individu devra avoir un corps physique qui permet la manipulation d'une récupération d'une certaine dose de karma. Il doit avoir un corps physique extrêmement endocrinien. Alors, il y a des mécanismes et réflexes. Premièrement, l'individu se promène. Il n'y a aucune pensée, possiblement. Et puis, à un moment donné, ben, il va regarder un film. Ou bien non, il va finir par voir des gens qui semblent heureux que leur femme. Alors, lentement, il y a une prédisposition à être manipulé, c'est-à-dire qu'il va commencer à supporter le karma des autres et par comparaison, il va devenir jaloux. Je donne un exemple. Il y a d'autres phénomènes qui vont pousser un être humain, mais en général, c'est ce genre de phénomène. Ça commence similairement comme ça. Alors donc, maintenant qu'il est astralement, psychologiquement, amiquement, du point de vue de l'âme, en attente de vivre ce genre d'expérience-là, eh bien, il va essayer de la têter partout. Alors, lorsqu'il voit quelqu'un avec sa femme, partout de l'homme, il voit quelqu'un avec sa femme, il les envie. Il essaie de boire leur énergie, il regarde. Bon. Lentement, il peut devenir voyeur. Il veut ramasser. Étant donné qu'il s'ouvre à ce genre d'énergie, qui s'ouvre donc aussi au karma collectif. Alors lentement, on lui amène des idées, des mémoires, des choses, 3, 4, 5 frustrations. Puis regarde d'autres personnes. Une personne qui a fait l'amour, qui a bien aimé ça. Un qui a fait ci, un qui a fait ça. Et lentement, il va aussi récupérer les mémoires des femmes. Les femmes peuvent aimer ça aussi, alors il récupère. Et puis à un moment donné, ben, le pauvre bonhomme, qui a un corps physique suffisamment hormonal, ben, c'est pas bien long qu'il y a des érections à rien. Et quand il y a une érection, il y a des sécrétions hormonales, c'est un réflexe. Ça vient stimuler le cerveau, qui stimule l'âme, alors là, il s'ouvre. Et puis, à un moment donné, ben, le mâle va commencer par se déculpabiliser, parce qu'il n'y a pas un homme qui va violer une femme comme ça. Il se déculpabilise. Comment? Regarde la cochonne. Puis là, il transpose. Elle en veut. Oh, la salope. C'est bon. Puis là, il commence à projeter. Alors, vu qu'il n'y a plus de culpabilité, qu'est-ce qui va maintenant l'empêcher? Totalement manipulé, hormonalement préparé, puis en plus, c'est elle qui en veut. Fait que c'est pas long que le gars. Il est correct. Il saute dessus. C'est la structure de manipulation. Maintenant, on va dire, oui, mais moi, ça m'arrive de temps en temps là, d'être en érection, puis je ne pas sur toutes les femmes. Tu n'as pas le même système hormonal que l'autre. Tu n'as pas le même âme que l'autre. Tu n'as pas la même expérience de vie que l'autre. Tu n'es donc pas prédisposé à ça comme l'autre. Alors, c'est ce qui va faire en sorte. Simplement. Tout. Voulez-vous dire que l'enfant qui souffre de mauvaise santé depuis sa naissance ne fait pas de karma personnel et qu'il est le karma de ses parents? Que son rôle s'en est un d'agent seulement? Non. Premièrement, son rôle n'est pas un rôle d'agent. Les parents paient un karma parce que, et là encore, je frustre énormément de gens, parce que les parents se plaisent de supporter ce karma-là. Un parent qui a un enfant handicapé, puis quand on a de la visite ou quand il y a des gens, etc., puis qui n'a pas l'air pas tout à voir son enfant est handicapé, je ne parle pas d'un imbécile. Mais qui va dire, bon, l'enfant, par exemple, a de la misère avec ses mains, puis le parent va lui dire, bon, peux-tu aller faire telle chose? La famille, voyons donc. Il ne veut pas ramener sa femme. Fait que le parent, nécessairement, pour bien paraître, un parent, pour bien paraître, il va s'arranger pour, justement, souffrir lui aussi. C'est mon fils, c'est de même, c'est dommage. Il faut qu'il souffre. Sinon, il n'est pas normal. Tout le monde va dire que c'est un sans-cœur. Alors, lui, avec, il souffre. L'enfant n'est pas là pour faire porter un karma aux parents. L'enfant, il est venu au monde comme n'importe quel enfant vient au monde. C'est un être humain à part entière, unique, du moment qu'il a été fécondé, l'ovule. Et il vient au monde dans le but de créer une expérience planétaire et dans le but de permettre à de la conscience d'expérimenter les choses. Il ne vient pas là pour les parents. Il n'appartient pas aux parents et il ne vient pas là pour stimuler les parents. Les parents vont se stimuler eux-mêmes. L'enfant ne sait même pas parler que les parents souffrent déjà. L'enfant n'est pas un agent, c'est un être humain aussi libre que n'importe quel être humain. Mais dans la normalité, on regarde que son corps n'est pas normal. Alors là, nécessairement, étant donné que l'être humain est suffisamment collectif, on va le classer. Comme pendant longtemps, les handicapés étaient carrément, sinon éliminés, on les plaçait dans des trous, bien on est resté archétypalement dans les consciences collectives traditionnelles, avec l'idée que c'est un pauvre handicapé. Fait que finalement, on va l'aider, on le sort de son trou. Mais le trou, c'est la matière, c'est pas lui. Bon, c'est tout. Que tu marches avec une prothèse ou que tu marches avec tes vraies jambes, tu vas dire « Oui, mais je peux pas courir aussi vite. » Mais tu seras plus relax. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'on s'arrange. Qu'est-ce qui est important? C'est de réussir sa vie. De réussir financièrement, de réussir avec une femme. Il y a une personne dernièrement qui n'avait ni jambes ni bras, une femme, je crois, puis elle vient de mettre au monde un enfant. Son mari est plus ou moins normal. Puis l'enfant est totalement normal. Puis c'est dans la tête. C'est pas au niveau du corps physique. Alors, l'enfant n'est pas un élément pour les parents. Les parents peuvent s'en servir comme élément, mais l'enfant, c'est lui, l'enfant. Il n'y a rien à voir avec les parents. L'enfant, c'est lui qui va faire sa vie, son évolution. Il aide l'humanité parce qu'il amène de l'expérience au niveau du monde de la mort. Il permet à l'intelligence de s'exprimer là-dedans et de créer des mutations. Un enfant qui est handicapé peut engendrer des enfants absolument génial. Il peut être génial lui avec. C'est le cerveau et le système endocrinien. Puis un cerveau qui est tout à fait débile, la personne qui est dedans ne souffre pas, parce que ce qui est réincarné dedans n'a pas la conscience, elle est ajustée au corps physique. Alors ça ne sert à rien de dire que Dieu est injuste, que si, que ça, ou que le karma, donc les vies antérieures, il a fait ci, il paye pour cela. Non, non. Mais une chose qui est certaine, c'est que l'humain se paie trop souvent le luxe de supporter de la souffrance qui ne lui appartient pas. Et à qui elle appartient la souffrance? Elle n'appartient pas aux autres, elle appartient à la souffrance. Laissons-la libre. C'est simple. Si on se sent de l'énergie d'aller aider quelqu'un qui souffre, on y va. Mais pas pour lui dire, je suis compatissant, je comprends. Si c'est le premier des débuts, on commence par ça. Mais lentement, on doit finir par lui faire comprendre qu'il doit aussi simplement se faire souffrir. C'est arrivé, c'est arrivé. Je donne souvent l'exemple du père qui achète un ballon à son enfant. L'enfant joue avec le ballon s'en va dans la rue, l'enfant part après le ballon, puis il y a un char qui tue l'enfant. Le père, il se sent du coupable, c'est de sa faute, l'enfant est mort. Mais s'il n'achète pas de ballon, il est sans cœur, puis l'enfant est toujours là, puis l'enfant, il donne de la marde, puis il a... Bon, alors il en achète un pour lui faire plaisir, puis l'enfant se fait tuer. Mais il n'y a pas de...